Le jour vint. Je me tenais toujours près de Rogojin. Rogojin inconscient, dévoré par la fièvre. Lorsqu'il poussait des cris ou se mettait à délirer, je passais machinalement ma main sur ses cheveux. Et les heures s'écoulèrent ainsi. Puis une voix cria à travers la porte. Au nom de la loi, ouvrez ! Ouvrez immédiatement, c'est un ordre ! Je jetai un dernier regard sur Rogojin, qui, pareil à un chien malade, gémissait doucement. Et j'ouvris la porte. Et ce faisant, je sentis soudain une douleur brutale à la nuque. C'était mon mal. Sans doute me guettait-il depuis que j'avais franchi le seuil de la maison des Rogojin. Maintenant, il s'acharnait sur ma nuque et tentait de me jeter à terre. Je résistais. Je voulais demeurer debout et immobiliser mon corps qui sursautait ridiculement. Mais mon cerveau s'enflammant, il me sembla que je roulais dans un trou qui s'ouvrait sous moi. Un trou noir et profond. Notre ami, le prince Mishkin, étant tombé dans un état de prostration complète, c'est moi, le tchinovnik Lebedev, qui vais vous narrer la fin de cette histoire. Je sais bien que, tel que je sors de la plume de mon créateur, je suis un homme bien peu recommandable, une canaille pour tout dire, et vous auriez sans doute préféré que quelqu'un d'autre se chargeât de cette tâche. Mais voilà, il n'y a personne d'autre. Je le regrette pour vous. Aglaé Ivanovna, la fille cadette de la généralité Panchine, est à l'étranger, bien déprimée. Nastasia Philipovna, elle, est bien morte. Parfen Rogojin est en prison. D'ailleurs, il n'y a que moi qui suis vraiment au courant de tout ce qui s'est passé depuis le moment où la police que j'avais alertée est arrivée. Je vous agace. Je vous répugne même. Qu'à cela ne tienne, je vais vite dissiper votre agacement et votre dégoût. Comment ? Mais en me réhabilitant à vos yeux, tout simplement. Car, réflexion faite, je ne suis ni meilleur ni pire que les hommes que vous côtoyez chaque jour et à qui vous serrez la main avec effusion. Parfaitement. Ne me dites pas que j'ai une âme de valet. J'exécute seulement mes courbettes avec plus d'empressement que les autres. C'est tout. Je vis de l'usure ? Mais à qui la faute ? Que l'État russe me paie un salaire décent et j'y renoncerai immédiatement. D'ailleurs, nous sommes tous plus ou moins des usuriers. C'est l'objet seul de l'usure qui varie. Je suis un délateur ? Mais comment distinguer la délation du devoir d'informer qui de droit des pensées et des gestes de ses voisins ? Je suis un ivrogne, c'est vrai. Mais si je bois, c'est pour oublier l'exécrable réalité dans laquelle nous vivons, et c'est également pour m'évader de moi-même. Et puis, l'alcool que je verse dans mon gosier ne fait pas de mal à mon prochain, n'est-ce pas ? Alors ? Ah, j'allais oublier. Je suis un félon, un traître, c'est encore vrai. Mais si je le suis, c'est pour le plus grand bien de ceux que je trahis. Je réveille en eux un sentiment légitime de méfiance, et ainsi je leur épargne de graves déceptions. Et puis, par ailleurs, que veut dire le mot traître ? Vous haussez les épaules. C'est bien, je m'arrête, car je commence à comprendre que mon plaidoyer pro domo ne peut que me rendre un peu plus antipathique à vos yeux. Et, sans plus tarder, je vais vous relater ce qu'il advint de nos amis. Ouvrez ! J'étais sûr que Rogojin avait attiré le prince Mishkin dans son repaire immonde. Avais-je raison ou non en insistant pour que vous veniez avec moi, votre noblesse ? Appelez-moi Excellence. Ah, excusez-moi, je confonds les grades dans l'armée comme dans la police, votre Excellence. Quelle joie de vous retrouver, prince. J'ai parcouru tout Saint-Pétersbourg, j'ai interrogé tout le monde dans l'espoir, mais vous ne dites rien, très estimé prince. Vous ai-je contrarié par mon initiative ? Ce jeune homme insignifiant est le prince Mishkin. Votre perspicacité est grande, votre excellence, oui. Ce jeune homme insignifiant est le prince Mishkin. Mais si son aspect physique est très ordinaire, en revanche, son cœur n'a pas d'égal. Par ailleurs, il est en quelque sorte le cousin du général Yepanchin. N'empêche qu'il a l'air d'un abruti, monsieur Lebedev. Prince, je vous présente mes respects. Mais qu'avez-vous? Vous tremblez? Et vos yeux... Une minute, votre excellence. Permettez que je le regarde. En effet, il tremble et ses yeux sont révulsés. Oh, maintenant je comprends la cause de son silence. Oh mon Dieu, il va avoir... Mais que lui arrive-t-il? Monsieur Lebedev! Oh, mais qu'y a-t-il? Il ne va pas mourir, au moins. Mourir, non, je ne le crois pas, votre excellence. Le prince a simplement une attaque d'épilepsie. Aidez-moi à lui glisser un oreiller sous la tête. Vous parlez d'un prince épileptique comme le dernier de nos moujiks. Dix minutes après, le prince Mishkin cessa de trembler et de pousser des cris. Mais il ne reconnaissait personne et semblait avoir sombré dans une inconscience totale. Après une courte délibération avec le chef de la police, je laissai à ce dernier le soin d'emporter le cadavre de Nastassia Philippovna et de conduire Rogojine en prison. Moi, je ramenai le prince à la maison. Hélas, il ne devait pas reprendre ses sens. Installé dans un fauteuil, il regardait fixement devant lui. Lorsqu'on lui adressait la parole, il sursautait légèrement sur son siège, mais ne répondait rien. De temps à autre, un sourire timide effleurait sa lèvre. Il s'évanouissait aussitôt. Et on ne pouvait rien lire sur ce visage figé et morne. J'appelai plusieurs médecins auprès de lui. Ils haussèrent les épaules et me conseillèrent de le placer dans un asile d'aliénés. En désespoir de cause, je fis venir le professeur Platonov. Il ausculta consciencieusement le prince indifférent. Quand Dieu veut punir l'homme, il le prive de sa raison. Mais je ne vois pas quelle faute a commis le prince, le plus honnête, le plus généreux des hommes. Celle d'exister, sans doute, monsieur Lebedev. Je n'en vois pas d'autre. Je ne vous comprends pas, très estimé professeur. Je sais bien que vous êtes incapable de me comprendre, mais cela n'a pas d'importance. En effet, à condition que vous guérissiez le prince. Là, vous m'en demandez trop. Je ne suis qu'un médecin et non un faiseur de miracles. Vous ne pouvez pas guérir le prince. Vous, une sommité, vous, le plus grand médecin de Saint-Pétersbourg, vous, décoré de la croix de Sainte-Anne, qui le pourra alors? Dieu, monsieur Lebedev. Mais visiblement, il se désintéresse du prince. Et maintenant, je vais m'en aller. Si vous voulez me régler, c'est 200 roubles. 200 roubles pour un aveu d'impuissance, honorable professeur? Exactement. Si j'avais pu rendre la raison au prince Mishkin, je ne vous en aurais demandé que 100. C'était L'Idiot, un feuilleton de Georges Govy inspiré de Dostoïevski. Avec Pierre Vanek, le prince Mishkin, Maurice Bénard, le professeur Platanov, Jean Combal, le policier, et Jean-Jacques Delbeau, Lebedev. Musique d'Edgar Cosma. Production réalisée dans les studios de la RTF à Nice par Yves Dariet, avec la collaboration de Jacques-Élie Moreau et le concours de la troupe dramatique régionale.